travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Quel avenir pour l'hôpital demain? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Jacques Bérard, justement, comment s'y préparer dans le cas de ce genre de future crise? Que faudrait-il améliorer dans le milieu hospitalier aujourd'hui? Alors, si vous faites allusion à la crise, je pense qu'il y a deux niveaux. Enfin, je ne parle pas de la liberté d'aller et venir qui a été restreinte pour des questions qu'on comprend bien. Il y a le niveau clinique dur, qui est le niveau de la réanimation, où je rejoins ce qu'a dit Jean-Claude Delgen. Les soignants ont été remarquables et les tutelles ont tout fait pour que la France dispose des lits suffisants pour que les patients en phase terminale soient gérés correctement. Et puis, il y a l'amont. Et l'amont, c'est là tout ce qui est du domaine de la prévention, de la médecine libérale, des gens qui restent chez eux, de ce qu'on appelle dans un jargon pas toujours compréhensible du grand public, l'ambulatoire. Et c'est là qu'on n'est pas forcément très bon. C'est-à-dire, c'est les jointures. On est mauvais aux jointures entre l'individu, la médecine libérale, les consultations. Et c'est là, c'est, en fait, je pense que c'est de ce côté-là qu'on a des progrès à faire. D'ailleurs, moi, j'ai suivi la crise du Covid en observateur, mais il y a eu des dispositifs, notamment téléphoniques, qui ont été mis en place, très intéressants dans cette phase de confinement qu'on a vécue. Est-ce ce serait nécessaire de revoir la coopération entre la ville, le secteur médico-social et les établissements de santé publics et privés? Ça, très certainement. Ça, c'est une évidence. Alors, là, on tombe dans un certain nombre de poncifs qui est lié notamment au système de la médecine libérale française. Bon, ça, on a souvent l'habitude de dire qu'au Québec, ça marche mieux, outre-Atlantique notamment, dans le Canada francophone, ça marche mieux, etc. Mais en France, on a une grosse difficulté de coordination entre les dispositifs de ville, les dispositifs un peu intermédiaire et l'hôpital. Il y a très certainement quelque chose à penser à ce niveau-là. On le verra tout à l'heure peut-être avec les urgentistes, mais on voit effectivement que très souvent, les gens se rendent à l'hôpital, aux urgences, parce qu'ils n'ont pas à proximité de maisons de soins suffisantes. Tout à fait. Hein, et donc, moi je sais que j'ai une mère qui vit dans les Vosges, qui a 86 ans. Bon, aux alentours, là où elle vit, il n'y a pas grand-chose en termes de maisons de soins. Et dès qu'elle a en fait une... elle ou son compagnon ont une difficulté, il faut aller directement à l'hôpital pour pouvoir se faire prendre en charge. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de mailler le territoire, d'avoir un maillage peut-être plus précis, plus fin, pour réunir, même y compris sur les contrées qui sont, dépourvues, des spécialistes pour éviter que tout le monde ne se retrouve en aval aux urgences. Exactement.